Quatrième partie, chapitre 1er, on complote contre le secret. Le lendemain du jour où M. Orridge avait vu Mrs. Norbury, la diligence, le druide, qui faisait le service d'Exeter à Truro, Cornouailles, arrivant à cette destination, déposa vers la fin de la soirée 3 passagers d'intérieur devant la porte de ses bureaux. 2 d'entre eux étaient un gentleman et sa fille. Mrs. Joseph avait occupé la 3e place. Le père et la fille, après avoir assemblé leurs bagages, entrèrent dans l'hôtel. Les voyageurs d'Impérial se dispersèrent d'un côté et d'autre, aussi promptement qu'ils le purent. Mrs. Joseph seule, immobile sur le trottoir, semblait hésiter sur ce qu'elle allait faire. Lorsque le cocher essaya bonnement de l'aider à prendre un parti quelconque, en lui demandant s'il ne pouvait lui être utile à rien, elle tressaillit et lui jeta un regard empreint de quelques soupçons. Puis, se ravisant, elle le remercia de son obligeance et s'enquit en termes assez confus et avec des hésitations assez marquées pour émerveiller ce brave homme si elle pouvait laisser sa malle dans les bureaux de la diligence, ajoutant qu'après un court délai, elle reviendrait l'y reprendre. Autorisée à faire ce dépôt provisoire pour aussi longtemps qu'elle voudrait, elle traversa la rue, la principale rue de la ville, monta sur le trottoir opposé et descendit jusqu'au premier tournant. Arrivée là, et avant de pénétrer dans la petite rue latérale où ce tournant conduisait, elle jeta un regard en arrière pour s'assurer apparemment que personne ne la suivait ou ne la guettait. Elle fit alors quelques pas, précipitamment, et s'arrêta de nouveau devant un petit magasin consacré à la vente de bibliothèques, bureaux, boîtes, cabinets, etc. Après avoir regardé les mots peints au-dessus de l'entrée, Bushman, ébéniste, etc., elle jeta un coup d'œil furtif à travers les vitres du magasin. Un homme d'un certain âge, figure avenante et gaie, assis derrière le comptoir, y polissait un modillon en bois de rose et de la tête, par un mouvement régulier mais vif, semblait battre la mesure de quelque air chanté à demi-voix. Mrs. Joseph, qui ne vit personne autre dans la boutique, ouvrit la porte et entra. À peine dans l'intérieur, elle constata que l'ouvrier battait la mesure, non de son propre chant, mais d'un air exécuté par une boîte à musique. Les notes, clairettes et vibrantes, partaient d'un petit salon à l'arrière du magasin, et l'air exécuté par la boîte était le charmant « Batti Batti » de Mozart. « Monsieur Bushman est-il chez lui ?» demanda Mrs. Joseph. « Oui, madame, » répondit le joyeux travailleur, montrant avec un sourire la porte qui donnait accès dans le salon du fond. « Sa musique répond pour lui. Toutes les fois que joue la boîte de Monsieur Bushman, on peut s'assurer que Monsieur Bushman n'est pas loin. Souhaitez-vous le voir, madame ?» « N'a-t-il personne avec lui ?»« Oh non, il est seul. Qui annoncerai-je » Mrs. Joseph entr'ouvrit les lèvres pour répondre, puis hésita et ne dit rien. L'ouvrier, avec une perspicacité plus délicate qu'on aurait pu l'attendre d'un homme de sa classe, ne renouvela pas sa question, mais ouvrit la porte sans plus attendre et fit entrer la visiteuse inconnue auprès de M. Bushman. Le salon de notre boutiquier était en somme une très petite chambre à laquelle ses aménagements intérieurs donnaient l'étrangeté d'une pièce triangulaire. Un papier vert clair décorait ses murailles. Il y avait sur la cheminée et sous verre un magnifique poisson préparé. 2 pipes d'écume de mer appendues ensemble au mur en face, et une belle table ronde placée aussi exactement que possible au beau milieu du parquet. Sur la table, les ustensiles à thé, du pain, du beurre, un pot de marmelade et une boîte à musique de forme antique et bizarre. À côté de la table se tenait assis un petit homme à cheveux blancs, à joues roses, à physionomie bénigne et simple qui tressaillit, la porte s'ouvrant, comme s'il ressentait une assez vive confusion, et mit la main sur le ressort de la boîte à musique afin que, l'air fini, elle cessât de jouer. « Cette dame demande à vous parler, » dit l'ouvrier à mine joyeuse. « Madame, voici M. Bushman, » ajouta-t-il un peu plus bas, voyant Mrs. Joseph hésiter encore à l'entrée du salon. « Voulez-vous bien prendre la peine de vous asseoir, madame ?» dit M. Bushman lorsque son ouvrier, refermant la porte, fut retourné derrière le comptoir. « Pardonnez-moi cette musique, elle va s'arrêter avant peu. » Ces paroles furent dites avec un accent étranger, mais très couramment. Mrs. Joseph attachait sur lui, tandis qu'il parlait ainsi, un regard fixe et curieux. Elle fit encore un ou deux pas avant de prendre à son tour la parole. « Suis-je donc si changé ? » dit-elle enfin. « Si changé, si vieilli, oncle Joseph. »« Gott im Himmel !» C'est sa voix, la voix de Sarah Leeson, s'écria le vieillard, courant à sa visiteuse, comme un enfant eût pu le faire, pour lui prendre les deux mains et l'embrasser sur les deux joues avec une singulière vivacité. Bien que sa nièce n'eût que la taille moyenne des personnes de son sexe, l'oncle Joseph était si petit qu'il eut à se dresser sur la pointe de ses pieds avant de pouvoir lui donner sa paternelle accolade. « Pensez que Sarah revient enfin, » disait-il, la forçant de prendre un fauteuil. « Après tant et tant d'années, pensez qu'elle a voulu revoir son oncle Joseph. »« Toujours Sarah, mais non plus Sarah Leeson, » dit Mrs. Joseph, serrant l'une contre l'autre ses mains grêles et tremblantes, et ses yeux baissés restaient fixés au parquet. « Ah, marié donc ?» reprit gaiement M. Bushman. « Marié, c'est clair. » « Parlons de votre mari, Sarah. Il est mort. »« Mort et pardonné. » Ces trois derniers mots furent prononcés à voix basse, et personne qu'elle ne les put entendre. « Ah, tant pis. J'en suis peiné pour vous. J'ai parlé un peu trop vite, n'est-ce pas, mon enfant ?» dit le vieillard. « N'importe. »« Non, non, ce n'est pas cela que je veux dire. Je veux dire, parlons d'autre chose. » « N'est-ce pas, Sarah, que vous prendrez bien une tartine de marmelade ?»« Une marmelade de framboise, un vrai délice, qui fond dans la bouche. »« Non, du thé alors ?»« Oui, oui, elle prendra bien un peu de thé. »« Et nous ne parlerons de rien de fâcheux, au moins pas en ce moment. »« Vous êtes bien pâlie, Sarah. »« Vous avez l'air plus vieux que votre âge. »« Non, ce n'est pas encore là ce que je voulais dire. Je suis mal avisé sans le vouloir. » « C'était la voix que je vous ai reconnue, mon enfant, à cette voix dont votre oncle Max disait que si vous eussiez appris le chant, elle aurait fait votre fortune. »« Voilà sa jolie boîte à musique. Elle va toujours. »« N'ayez donc pas l'air si abattu. »« Je vous en prie, n'ayez pas cet air. »« Tenez, écoutez un peu la musique. Vous vous rappelez bien la boîte. »« La boîte de l'oncle Max. »« Mon Dieu !» « Quel air avez-vous donc ? Avez-vous oublié la boîte dont fit présent mon frère le divin Mozart, alors que Max était encore à l'école de musique à Vienne ?»« Écoutez, je l'ai fait recommencer. C'est un chant qu'on appelle Batti Batti, tiré d'un opéra de Mozart. Assez beau, mais beau. Votre oncle Max disait que toute la musique du monde était dans ce petit air-là. Moi, je ne me connais pas en musique. » Mais j'ai mon cœur et mes oreilles, et tout me dit que Max ne se trompait pas. » Tout en débitant ceci avec force gestes et une volubilité sans pareille, M. Bushman versait une tasse de thé, la sucrait avec soin, et tapotant les épaules de sa nièce, la priait de la boire tout aussitôt si elle voulait bien être aimable. Ses caressantes instances l'avaient rapproché d'elle, et il vit des larmes dans ses yeux. Il la vit, sans en faire semblant, cherchait dans sa poche un mouchoir pour les essuyer. « Ne faites pas attention, » dit-elle, voyant que le bon petit vieillard s'attristait à la regarder. « Et n'allez pas me croire, oncle Joseph, sans mémoire ou sans reconnaissance. Je me souviens de la boîte. Je me souviens de tout ce qui vous intéressait jadis, alors que j'étais et plus jeune et aussi plus heureuse que maintenant. La dernière fois que vous m'avez vue ici, j'étais venu à vous dans le chagrin. C'est encore dans le chagrin que je reviens aujourd'hui. Vous pouvez m'accuser de négligence pour ne vous avoir pas écrit depuis tant d'années, mais ma vie a été bien triste, allez. Et j'ai pensé que je n'avais pas le droit de jeter mon fardeau de peine sur les épaules d'autrui. » À ces derniers mots, L'oncle Joseph secoua la tête et toucha l'arrêt de la boîte à musique. « Mozart, » ajouta-t-il gravement, « Mozart peut bien attendre que je vous ai dit certaines choses. Prêtez l'oreille, Sarah, tout en buvant votre thé. Vous reconnaîtrez si je dis vrai ou non. Quel langage vous ai-je tenu, moi, Joseph Bushman, lorsque vous vintes me trouver dans votre chagrin il y a de cela 16 ans, ma foi, dans cette ville et dans cette même maison. Je vous ai dit alors ce que je vous répète aujourd'hui. La peine de Sarah est ma peine. La joie de Sarah est ma joie. Et si quelqu'un me demande pourquoi cela, j'ai 3 bonnes raisons à lui donner. » Il s'arrêta ici pour remuer encore le thé de sa nièce, et lui rappeler, en frappant quelques petits coups sur le bord de la tasse, que ce thé demandait à être bu. « 3 raisons, » reprit-il. « D'abord, vous êtes l'enfant de ma sœur, sa chair et son sang. Un peu ma chair et mon sang, par conséquent. En second lieu, ma sœur, mon frère, enfin moi-même, nous devons tout, oui, tout, à l'Anglais, votre bon père. » Les amis qu'il avait se recriaient tous. « Ah, fille, Agathe Bushman est pauvre. Agathe Bushman est étrangère. » Mais votre père aimait Agathe Bushman, et nonobstant leur fille, fille, il l'épousa bel et bien. Les voilà qui recommencent. Agathe Bushman, un frère musicien, qui ne fait que rabâcher du Mozart, et qu'en attendant ne sait pas mettre du sel dans sa soupe. « Fort bien, » répond votre père. « J'aime son rabâchage, moi. J'aime sa musique. Je lui trouverai des élèves, et tant que j'aurai du sel dans ma cuisine, il pourra saler son potage lui aussi. » Pour la 3e fois, nouveau fille, fille. Agathe Bushman, un second frère, un petit cerveau fêlé qui ne sait qu'écouter le rabâchage de l'autre et dire « Amen ». Au moins pour celui-là, porte close. Envoyez-le courir le monde. Ne gardez pas avec vous ce cerveau fêlé. Et votre père de dire « Non, cerveau fêlé a dans les doigts tant d'esprit. Il sait tailler, sculpter, polir le bois. Aidons-le un peu au début. Plus tard, il se tirera d'affaire. » Et tous, maintenant, ils sont partis. Père, mère, oncle Max, tous partis, excepté moi. Cerveau fêlé reste seul, seul à se rappeler et à savoir gré. Aussi prend-il pour son chagrin le chagrin de Sarah et la joie de Sarah pour sa propre joie. Il s'arrêta une fois encore pour souffler un peu de poussière qui faisait tache sur le bois poli de la boîte à musique. Sa nièce voulait parler, mais son doigt, levé sur elle par un geste significatif, l'avertit qu'il n'avait pas achevé sa harangue. « Non, lui dit-il, j'ai encore à parler, moi, et vous, vous avez votre thé à prendre. Ne faut-il pas que j'allègue ma 3e raison ? Ah, vous détournez les yeux de moi. Avant que j'ajoute un mot, vous la savez déjà, ma 3e raison. Quand je me marie à mon tour, quand ma femme meurt, me laissant seule avec le petit Joseph, et quand cet enfant tombe malade, qui vient alors à moi ? Si douce, si attentive, si soigneuse, m'apportant ses bons yeux brillants de jeunesse et ses mains si adroites, si légères, si actives. Qui passe avec moi les nuits et les jours auprès du petit Joseph? Qui, de son bras, fait un oreiller pour sa tête fatiguée? Qui tient patiemment à son oreille cette même boîte, oui, cette boîte qu'ont touché les mains de Mozart? Qui la tient de plus en plus près, à mesure que l'essence du petit malade s'émousse de plus en plus? Lorsqu'il pleure pour avoir cette musique, son ami d'enfance, qui l'endormait naguère en son berceau, et qui l'entend maintenant à grand-peine, qui s'agenouille auprès de l'oncle Joseph quand son cœur est prêt d'éclater? Qui lui dit « Calmez-vous, chut, pas de vain désespoir. L'enfant est allé entendre la musique d'en haut. Là où il est, la maladie ne le ronge plus, le chagrin ne l'atteint plus. » Qui fait tout cela, dites? Ah, Sarah, vous ne pouvez avoir oublié tout cela. Vous ne pouvez avoir perdu de vue l'autre fois lointain. Quand le chagrin vous est amer, quand vous pliez sous le fardeau plus lourd, c'est cruauté envers l'oncle Joseph que de vous tenir à l'écart, c'est bonté pour lui que de venir le trouver. Les souvenirs que le vieillard venait d'évoquer s'étaient doucement frayés leur voix dans le cœur attendri de Sarah. Elle ne put lui répondre, elle ne put que lui tendre la main. L'oncle Joseph, s'inclinant, baisa cette main avec une galanterie surannée et presque comique. Il reprit ensuite auprès de la boîte à musique son poste habituel. « Allons, » dit-il, promenant sur le petit instrument une main caressante, « nous pouvons bien en rester là pour le moment. Boîte de Mozart, boîte de Max, boîte du petit Joseph, nous vous rendons la parole. » Après avoir mis en mouvement le frêle mécanisme, il s'assit près de la table et n'ouvrit plus la bouche avant que l'air chéri eût été joué d'un bout à l'autre à deux reprises. Remarquant alors que sa nièce semblait un peu plus calme, il lui parla de nouveau. « Vous avez donc des peines, Sarah ?» lui dit-il tranquillement. « Vous venez de me le dire et votre physionomie me l'atteste. Est-ce que vous regrettez votre mari ?»« Je regrette de l'avoir jamais rencontré, » répondit-elle. « Je regrette de l'avoir épousé. Maintenant qu'il n'est plus, je ne puis dire que je le regrette, mais je lui pardonne. » « Vous lui pardonnez ? De quel air dites-vous cela ? Racontez-moi. » « Oncle Joseph, je vous ai dit que mon mari est mort et que je lui ai pardonné. » « Vous lui avez pardonné. C'est donc qu'il était dur et méchant pour vous. » « je devine, allez. » « Ceci, Sarah, c'est la fin, mais le commencement. » « Le commencement, n'est-ce pas ? C'est que vous l'avez aimé. » Les joues de Sarah se couvrirent d'une rougeur ardente. Elle détourna la tête de côté. « Il est dur, il est humiliant de l'avouer, » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Mais mon oncle, vous m'arrachez la vérité. Je n'avais pas d'amour à donner à mon mari, ni à lui, ni à aucun autre homme. Et néanmoins, vous l'avez épousé ? Oh, attendez, ce n'est pas à moi de vous blâmer. Ma tâche est de découvrir non ce qui est mal, mais ce qui est bien. Soyez tranquille. Je me dirai à moi-même, elle l'a épousé dans un moment où elle était misérable et sans appui. Dans un moment où, au lieu de l'épouser lui, elle aurait dû venir trouver l'oncle Joseph. Je me dirai cela, j'aurai pitié, et je ne vous demanderai plus rien. » Sarah fit encore un mouvement pour tendre sa main au vieillard. Puis elle recula soudain sa chaise et changea d'attitude. « Il est vrai que j'étais pauvre, » dit-elle, parlant avec effort, et promenant autour d'elle un regard où se peignait une certaine confusion. « Mais vous êtes si bon, si tendre, que je ne puis accepter pour ma conduite l'excuse qu'a trouvée votre indulgence. Je ne l'ai pas épousée parce que j'étais pauvre, mais bien parce que... » Elle s'arrêta soudain, ses mains s'étreignant avec force, et son fauteuil, plus que jamais, s'écarta de la table. « Soit. » « Bien, » dit le vieillard, qui comprit ses signes de honte, « nous ne reparlerons jamais de tout ceci. » « Je n'avais pas l'excuse de la pauvreté, je n'avais pas l'excuse de l'amour, » reprit-elle avec un élan soudain d'amertume et de désespoir. « Je l'ai épousé, oncle Joseph, parce que je n'ai pas eu la force de dire non. Sur chaque jour de ma vie aura pesé cette malédiction de la faiblesse et de la peur. Je lui ai dit non une fois, je lui ai dit non deux fois. Oh, mon oncle, que n'ai-je su la troisième fois lui dire encore non ? Mais il m'obsédait, mais il m'effrayait, il m'ôtait peu à peu la faible dose de volonté que j'avais en moi. Il me faisait parler comme il le voulait, aller où il le voulait. Non, non, non, mon oncle, ne venez pas à moi, ne me dites rien. Il n'est plus là, il est mort, je suis délivré, j'ai pardonné. Oh, si seulement je pouvais m'aller cacher quelque part. Chaque regard semble me percer à jour. Chaque parole renfermait une menace à mon adresse. Jeune encore, mon cœur était comme harassé. Et depuis longues, longues années, il ne connaît plus le repos. Chut, cet ouvrier dans la boutique. Je l'avais oublié. Il va nous entendre. Parlons plus bas. J'ai eu tort. J'ai toujours tort. Tort quand je parle, tort quand je ne dis rien, où que j'aille, quoi que je fasse. Je ne suis jamais comme tout le monde. On dirait que mon esprit n'a pas grandi depuis ma toute première enfance. Écoutez, l'homme de la boutique vient de remuer. M'aurait-il entendu ? Oncle Joseph, pensez-vous qu'il ait pu m'entendre ? À peu près aussi effaré que sa nièce, l'oncle Joseph l'assura cependant que la porte était épaisse, que l'ouvrier était placé à quelque distance de cette porte et qu'il lui était impossible, entendit-il même des voix dans le salon, de distinguer aucune des paroles prononcées. « Vous en êtes bien sûr ? » murmura-t-elle très vite. « Oh oui, vous en êtes sûr. Sans cela, vous ne me l'auriez pas dit, n'est-ce pas ? Donc, nous pouvons continuer. Mais ne parlons plus de ma vie de femme mariée. Fini, oubliez ce temps-là. Disons que j'ai eu, les ayant mérité, quelques années de chagrin et de souffrance. Disons que j'ai eu ensuite des années de repos, pendant que j'étais au service de maîtres excellents, bien que mes camarades ne fussent pas, à beaucoup près, aussi bons. Disons ceci de l'existence que j'ai menée, et certainement nous en aurons assez dit. L'inquiétude où je suis maintenant, l'inquiétude qui m'amène auprès de vous, remonte bien au-delà des années dont nous venons de parler. Elle remonte, oncle Joseph, dans le passé lointain, au jour où nous nous vîmes pour la dernière fois. « Mais il y a 16 ans de ceci, » s'écria le vieillard, qui semblait douter que cela fût possible. « Votre peine actuelle remonterait à ce jadis si éloigné ?»« À celui-là même. Vous savez, cher oncle, où je me rendais alors. Vous n'avez pas oublié ce qui m'advint quand vous arrivâtes ici secrètement, quand vous me priâtes de vous cacher. C'était la semaine même où venait de mourir votre maîtresse qui habitait là-bas à l'ouest, le vieux manoir. Vous aviez bien peur alors, vous étiez pâle, pâle et alarmé comme je vous vois encore aujourd'hui. Vous et tout le monde, je ne rencontre que des gens acharnés à m'examiner, regards étonnés et curieux. Toujours on me croit en proie à des souffrances nerveuses, toujours on s'apitoie sur ma débile santé. » Tout en se plaignant ainsi avec une soudaine amertume, elle porta à ses lèvres la tasse de thé posée à côté d'elle, la vida d'un seul trait et la poussa de l'autre côté de la table pour qu'on la lui remplît de nouveau. « J'ai eu bien soif en venant. J'ai eu bien chaud, » murmura-t-elle. « Encore du thé, oncle Joseph, encore une tasse de thé. »« Il est tout froid, » dit le vieillard. « Attendez que j'ai demandé de l'eau chaude. »« Non, » s'écria-t-elle, l'arrêtant comme il allait se lever. « Donnez-le-moi froid. Je l'aime mieux ainsi. » Que personne n'entre ici. Je ne pourrais plus parler si quelqu'un entrait. » Elle rapprocha sa chaise de celle de son oncle et continua. « Vous n'avez pas oublié combien j'étais alarmé à cette époque si loin de nous. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas ? Vous aviez grand peur qu'on ne vous eût suivi. Voilà la peur que vous aviez, Sarah. Je me fais vieux, mais ma mémoire reste jeune. Vous aviez peur de votre maître, peur qu'il n'eût envoyé ses domestiques à votre poursuite. Vous vous étiez échappé, vous n'aviez prévenu personne, et vous parliez peu. Ah, mais bien peu, même à votre oncle Joseph, même à moi. Je vous racontais cependant, dit Sarah, baissant la voix au point que le vieillard pouvait à peine distinguer ses paroles. Je vous racontais que ma maîtresse, sur son lit de mort, m'avait légué un secret. Un secret renfermé dans une lettre, que je devais remettre à mon maître. Je vous racontais que j'avais caché cette lettre, ne pouvant me résoudre à la livrer, et cela parce que je préférais 1000 morts à la honte d'être interrogé sur ce qu'elle renferme. Je vous racontais tout cela, je m'en souviens. Ne vous racontais-je rien de plus? Ne vous dis-je pas alors que ma maîtresse m'avait fait prêter sur la Bible un serment solennel? Mon oncle, y a-t-il des flambeaux dans cette chambre? Y a-t-il des flambeaux que nous puissions allumer sans déranger personne, sans appeler, sans faire entrer qui que ce soit ? Il y a dans mon armoire des flambeaux et des allumettes, répondit l'oncle Joseph. Mais regardez la fenêtre, Sarah. Le jour est à peine obscurci par le crépuscule. Il ne fait pas encore nuit. Pas dehors, mais ici. Où donc ? Dans ce coin. Ayons de la lumière. Je n'aime pas ces ténèbres qui s'entassent au coin des chambres et montent silencieusement le long des murs. » L'oncle Joseph regarda autour de la pièce, comme pour s'expliquer la cause de cette horreur si singulièrement manifestée. Et il souriait à part lui, en tirant de l'armoire 2 flambeaux qu'il se hâta d'allumer. « Vous voilà comme les enfants, » dit-il ensuite, d'un ton badin, tandis qu'il baissait la persienne. « Vous avez peur dans l'obscurité ?» Sarah ne parut point l'avoir écouté. Ses yeux étaient obstinément fixés sur le coin de la chambre, qu'un moment auparavant elle lui montrait du doigt. Quand il reprit sa place à côté d'elle, ce regard ne changea pas de direction, mais elle posa sa main sur le bras du vieillard et lui dit tout à coup « Mon oncle, croyez-vous que les morts puissent revenir ici-bas, suivre en tout lieu les vivants et voir à chaque instant ce qu'ils font ?» Le vieillard tressaillit. « Sarah, dit-il, pourquoi me parler ainsi ? Pourquoi me poser une pareille question ? Y a-t-il des heures solitaires ? Continua-t-elle, sans que son regard changeât de direction et sans qu'elle parût avoir entendu sa question. Ou quelquefois vous avez peur sans savoir pourquoi, une peur qui, dans un instant, vous envahit de la tête aux pieds. Dites, mon oncle, avez-vous jamais senti le froid se glisser tout autour de la racine de vos cheveux, et de là, peu à peu, descendre comme un reptile glacé le long de votre dos? J'ai senti cela, moi, et même au cœur de l'été. Je suis sorti, je m'en suis allé seul sur la vaste bruyère, en pleine chaleur, en plein éclat de midi, et il m'a semblé que des doigts glacés passaient sur moi, des doigts glacés, moites, visqueux. Or, il est dit dans le Nouveau Testament que les morts, autrefois, sortirent de leur tombeau et allèrent errer dans la Cité Sainte. Les morts! Depuis lors, se sont-ils toujours, toujours tenus quoi au fond de leurs noirs abris? La nature simple et bonne de l'oncle Joseph se refusait, ébahie, à ces sombres et hardies spéculations que les questions de sa nièce semblaient provoquer. Sans répondre un seul mot, il essaya de dégager le bras qu'elle tenait encore, mais le seul résultat de l'effort qu'il fit ainsi fut qu'elle l'étreignit plus fortement que jamais, et qu'elle se pencha en avant, sans quitter son fauteuil, afin de voir de plus près ce qui pouvait être caché dans le recoin ténébreux. « Ma maîtresse se mourait, dit-elle. Ma maîtresse avait un pied dans la tombe quand elle me fit prêter, sur la Bible, ce redoutable serment. Elle me fit jurer de ne pas détruire la lettre. Je ne l'ai pas détruite. Elle me fit jurer de ne pas l'emporter avec moi si je quittais la maison. Je ne l'ai pas emportée. À la troisième fois, elle m'aura fait jurer de la donner à mon maître. Mais la mort la gagna de vitesse. La mort l'empêcha de jeter sur ma conscience le lien de ce troisième serment. Pourtant elle me menaçait, mon oncle, elle me menaçait. Le front baigné des sueurs de l'agonie, elle me menaçait de revenir me trouver si j'éludais ses volontés, et il est certain que je les ai éludées. » Ici elle s'arrêta, retira sa main posée sur le bras du vieillard, et du côté de la chambre où ses yeux semblaient retenus par une irrésistible attraction, fit un geste étrange. « Repose, repose, repose, » murmurait-elle, retenant son haleine. « Est-ce que mon maître, à présent, vit encore ? Repose, jusqu'au jour où les noyés ressusciteront. Tu lui diras le secret quand la mère rendra les morts qu'elle garde. » « Sarah, Sarah, vous êtes changée, vous êtes malade, vous m'effrayez. » s'écria l'oncle Joseph, se dressant sur ses pieds par un brusque élan. Elle se retourna lentement et le contempla avec des yeux qui n'exprimaient plus aucune idée, des yeux qui semblaient, par-delà et comme à travers lui, regarder quelque chose à l'aventure. « Gott im Himmel, que voit-elle donc ?» Il regarda autour de lui au moment où cette exclamation lui échappait. « Sarah, qu'avez-vous ? Vous trouvez-vous mal ? Souffrez-vous ? Rêvez-vous les yeux ouverts ?» Il la prit à ces mots par les deux bras et la secoua doucement. Au moment même où elle sentit le contact de ses mains, elle tressaillit et un tremblement violent s'empara d'elle. Avec la rapidité de l'éclair, ses yeux reprirent leur expression habituelle. Sans une seule parole, elle se rassit et se mit à remuer le thé froid dans la tasse, à le remuer si fort qu'il débordait à chaque tour dans la soucoupe. « Allons, » dit l'oncle Joseph qui ne la quittait guère des yeux. « La voilà qui devient plus semblable à elle-même. »« Semblable à moi-même ? » répéta-t-elle comme un vague écho. « Voyons, voyons, » disait le vieillard, essayant de la calmer. « Vous êtes malade. Vous êtes ce que les Français appellent hors de votre assiette. Nous avons ici de bons médecins. Laissez venir demain, et nous vous procurerons le meilleur. » « Je n'ai nul besoin de médecin. Qu'on ne me parle pas de médecin. Je ne les puis souffrir. Il me dévisage avec une curiosité. Il semble fouiller en moi comme pour en tirer quelque chose. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? J'avais tant de choses à dire. Et il semble que nous nous soyons arrêtés justement alors qu'il fallait passer outre. Je suis, mon pauvre oncle, dans la peine et dans la crainte. Encore une fois et toujours à cause du secret. Tenez, en voilà bien assez, dit le vieillard importuné. N'en parlons plus, au moins ce soir. Et pourquoi pas? Parce que cela vous ferait encore mal. Vous recommenceriez à regarder dans les coins obscurs et à rêver tout éveillé. Vous êtes trop malade, Sarah. Oh oui, beaucoup trop malade. Mais vous vous trompez, je ne suis point malade. Mais pourquoi s'obstine-t-on à vouloir me soutenir que je me porte mal? Laissez-moi parler du secret, mon oncle. C'est pour cela que je suis venu. Je n'aurai de repos qu'après vous avoir tout dit. En parlant, elle changeait de couleur, et ses manières attestaient une gêne secrète. Elle commençait sans doute à se rendre compte qu'il lui était échappé des paroles, des mouvements, dont il eût été plus prudent de s'abstenir. « Ne m'examinez pas de trop près, » dit-elle avec sa douce voix, ses façons caressantes et pleines de charme. « Si mes paroles, mes manières ont quelque chose de peu séant, n'y prenez pas autrement garde. Je me perds quelquefois en distractions dont je n'ai pas conscience, et je suppose que je viens d'en avoir une. Cela ne signifie rien, oncle Joseph, absolument rien, je vous assure. » Essayant ainsi de rassurer le vieillard, elle changea son fauteuil de place, de telle sorte qu'elle tournait maintenant le dos à cette porte de la pièce sur laquelle, jusque-là, elle avait vu. « À la bonne heure, j'aime mieux ceci, » dit l'oncle Joseph, « mais ne me parlez plus du passé, de peur de vous perdre encore. Parlons de ce qui est. Oh, voyons, contentez là-dessus, mon caprice. Laissez là le vieux jadis, et tenez-vous-en au présent. Je puis, tout aussi bien que vous, remonter il y a 16 ans. En doutez-vous? Eh bien, laissez-moi vous dire ce qui arriva lors de notre dernière rencontre. En 3 mots, j'aurais fait mes preuves. Vous abandonnez votre place, et le vieux manoir, vous vous réfugiez ici. Vous y demeurez caché pendant que votre maître et ses domestiques vous donnent la chasse. Vous partez dès que la route vous est ouverte pour aller gagner votre vie aussi loin que possible du pays de Cornouailles. Je vous prie et supplie de faire halte ici, de demeurer près de moi. Mais vous redoutiez votre maître et vous voilà reparti. Eh bien, n'est-ce pas toute l'histoire de vos peines, à l'époque où, pour la dernière fois, vous vîntes ici? N'en parlons plus, et dites-moi ce qui cause vos tourments actuels. Mes peines d'alors et mes peines présentes, oncle Joseph, n'ont qu'une seule et même cause, le secret. Et quoi, y revenons-nous? Il y faut revenir. Pourquoi? Parce que ce secret est révélé dans une lettre. Eh bien, après? Et que cette lettre est en passe d'être découverte. Oui, mon oncle, découverte. 16 ans entiers, elle est restée cachée, et maintenant, après si longtemps, arrive comme un retour providentiel la terrible chance de la voir reparaître au grand jour. De tous les êtres vivants, celui qui le dernier devrait y jeter les yeux est précisément celui qui semble appelé à la découvrir. Un instant. En êtes-vous bien certaine, Sarah? Comment pouvez-vous le savoir? Je le tiens d'elle-même. Le hasard nous a réunis et... Nous? Qui nous? Qui entendez-vous désigner ainsi? Nous, c'est-à-dire... Vous vous rappelez, mon oncle, que j'avais pour maître à Porthgennat Tower le capitaine Treberton? J'avais oublié ce nom, mais n'importe, continuez. Lorsque je quittais ma place, Miss Treberton était une petite fille d'environ 5 ans. Maintenant elle est mariée et, si belle, si spirituelle, une si jeune, si charmante, si radieuse physionomie, et elle a un enfant aussi beau qu'elle. Oh, mon oncle, si vous la voyiez, je donnerais tout pour que vous la puissiez voir. » Ici l'oncle Joseph se baisa le bout des doigts, et ensuite haussa les épaules. Par le premier de ses gestes, il exprimait son hommage à la beauté dont on lui parlait. Par le second, sa résignation forcée au malheur de ne pas être à même de la contempler. « À la bonne heure, » dit-il avec cette philosophie pratique dont il semblait imbu, « à la bonne heure. Laissons là cette personne s'y accomplie et passons à autre chose. » « Maintenant elle s'appelle Frankland, » dit Sarah. nom bien plus sonore que celui de Treverton. Son mari l'adore. Je suis sûr qu'il l'adore. Pour peu qu'il ait un cœur, comment ne pas l'adorer ? Doucement, doucement, s'écria l'oncle Joseph, qui semblait de plus en plus perplexe. Tant mieux et tant mieux s'il était pris d'elle. Mais dans quel labyrinthe me promenez-vous donc ? Pourquoi m'entretenir de ce mari et de cette femme ? Parole d'honneur, Sarah, vos explications n'expliquent rien. Elles ne servent qu'à ramollir le cerveau. Mon oncle, il faut que je parle d'elle et de M. Frankland. Porthgenna Tower appartient maintenant à ce dernier, et ils sont sur le point d'aller s'y établir. Ah bon ? Nous revoilà sur le droit chemin, en fin de compte ? Ils vont aller vivre dans la maison même où est caché le secret. Ils vont faire remettre à neuf cette portion même de l'édifice où la lettre est cachée. Elle veut, elle me l'a dit elle-même, explorer les vieux appartements. Elle veut y fouiller pour amuser sa curiosité. Des ouvriers les nettoieront de fond en comble, et durant ses heures de loisir, elle sera là, surveillant leurs travaux. Mais du secret, elle ne soupçonne rien. Dieu veuille qu'elle n'ait jamais un pareil soupçon. Et dans la maison, il y a beaucoup de chambres. Et la lettre qui renferme le secret est cachée dans une de ces chambres si nombreuses. Pourquoi supposer qu'elle tombera justement sur celle-ci ? Pourquoi ? Parce que je dis toujours ce qu'il faut taire, parce que je m'effraie et me perds au moment où un peu de sang-froid me sauverait. La lettre est cachée dans une pièce appelée la chambre Myrte. J'étais assez sotte, assez faible, assez insensé pour l'avertir qu'elle ne devait pas y entrer. Ah, Sarah, Sarah, voilà un pas de clair. Je ne saurais dire à quelle obsession j'étais en proie. Lorsque je l'ai entendu se promettre innocemment le plaisir de fouiller ses antiques appartements, et lorsque j'ai songé à ce qu'elle y pouvait trouver, il m'a semblé que ma raison m'abandonnait. Il est vrai que la nuit se faisait justement alors. L'obscurité redoutée s'amoncelait dans les angles et montait après les murs. Je voulais allumer les bougies et n'osais m'y décider de peur qu'elle ne lût la vérité sur mon visage. Et quand je les eus allumées, ce fut bien pire. Oh, je ne sais ni comment ni pourquoi j'agis ainsi. J'aurais dû me couper la langue avec les dents plutôt que de prononcer ces paroles, et je les prononçais cependant. Il y a des gens qui ont toujours à propos une bonne pensée. Il y a des gens qui, de deux démarches, ne manquent jamais la meilleure. Il y a des gens qui, sous le fait d'une grande responsabilité, marchent sans plier. Sans plier, comme j'ai plié. Mon bon oncle, pour l'amour de ces temps où nous vécûmes heureux, aidez votre pauvre nièce, aidez-la d'un bon conseil. Je vous aiderai, Sarah. Je consacrerai ma vie à vous aider. N'ayez pas l'air si découragé, mon enfant. Ne me regardez pas avec ces regards éplorés. Voyons, je vais à l'instant même vous donner conseil. Mais dites-moi sur quoi ? En quoi voulez-vous être conseillé ? Ne vous l'ai-je point dit ? Non, vous ne m'en avez pas encore soufflé mot. Je vais donc maintenant m'expliquer. Elle s'arrêta. Jeta un regard méfiant du côté de la porte ouvrant sur le magasin, prêta quelque temps l'oreille et reprit ensuite. « Je ne suis pas encore au bout de mon voyage, oncle Joseph. Je suis ici sur le chemin de Porthgenna Tower, sur le chemin de la chambre Myrte, sur le chemin, pas à pas parcouru, de l'endroit où la lettre est cachée. Je n'ose pas la détruire, je n'ose pas l'enlever. Mais n'importe à quel risque je m'expose, il faut que je la retire de la chambre Myrte. » L'oncle Joseph ne dit rien, mais il branla la tête avec un certain abattement. « Il le faut, » répéta-t-elle. « Avant que Mrs. Frankland arrive à Porthgenna, il faut que la lettre soit retirée de la chambre Myrte. Il y a, dans le vieux manoir, plus d'un endroit où je puis la cacher de nouveau, des endroits auxquels elle ne songera jamais, des endroits où elle ne mettra jamais le pied. Qu'une fois j'ai pu retirer la lettre de cette chambre où je suis sûr qu'on ira la déterrer, et je sais bien où la mettre, désormais à l'abri de toute recherche. » L'oncle Joseph réfléchit, branla de nouveau la tête, puis dit « Un mot, Sarah. Mrs. Franklin, sait-elle quelle est la chambre Myrte ?» Lorsque je cachai la lettre, je fis de mon mieux pour effacer toute trace de ce nom. J'espère et je crois qu'elle ne sait pas à quelle pièce il fut donné jadis, mais elle peut le découvrir. Rappelez-vous ces mots que j'ai eu la folie de prononcer. Ils la mettront sur la trace de la chambre Myrte. ils la lui feront chercher. Certainement, ils auront ce résultat. Et supposant qu'elle la trouve, qu'elle lise la lettre, cela fera le malheur de plus d'un innocent, et cela me fera mourir. Ne vous écartez pas ainsi de moi, cher oncle. Je ne parle pas ici d'une mort infamante, non. À personne je n'ai fait autant de tort qu'à moi. Le pire trépas que j'ai à craindre est celui qui rend la liberté à un esprit lassé par l'oppression, qui guérit de sa blessure un cœur brisé. C'est assez, assez comme cela, dit le vieillard. Je ne vous demande, Sarah, aucun secret qui ne soit complètement vôtre. Vous m'avez conduit en face de ténèbres, dans des ténèbres profondes où j'erre au hasard. Aussi j'en détourne les yeux pour ne plus regarder que vous. Et dans ce regard, cher enfant, aucun soupçon, de la pitié seulement et des regrets. Oui, je regrette que jamais vous ayez approché de Porthgenna. Je regrette que vous ayez à y retourner. Je n'ai pas, mon oncle, d'autre alternative. En supposant même que chaque pas fait sur la route du vieux manoir me conduisit en même temps au supplice, encore faudrait-il avancer. Sachant ce que je sais, impossible de faire halte, impossible de dormir tranquille, impossible même de respirer librement, jusqu'à ce que j'aie retiré cette lettre de la chambre aux myrtes. Comment y parvenir? Oh, mon bon oncle, comment y parvenir sans être soupçonnée, découverte par quelqu'un? Voilà ce que je voudrais savoir, fût-ce au prix de ma vie. Vous êtes homme, plus âgé, plus prudent que moi. Pas un être vivant ne vous a jusqu'ici imploré en vain. Venez à mon aide maintenant. Vous, l'unique ami que j'ai au monde, aidez-moi d'une parole qui me guide. » L'oncle Joseph se leva de son fauteuil, croisa les bras résolument et regarda sa nièce bien en face. « Vous voulez y aller ? » dit-il. « Quoi qu'il arrive, vous voulez y aller. Pour la dernière fois, dites-le, Sarah. Est-ce décidément oui ou non ?»« Oui. Pour la dernière fois, je réponds oui. » « Bien. Et comptez-vous partir bientôt ?»« Il faut que je parte demain. Je n'ai pas un jour à perdre. Les heures même, autant que j'en peux juger, doivent être comptées pour beaucoup. » Vous m'assurez, cher enfant, que l'enfouissement du secret ne produit que du bien, et que de sa découverte il résulterait des malheurs. Fût-ce ma dernière parole en ce monde, encore une fois je dirais oui. Vous m'assurez encore que vous avez tout simplement à retirer la lettre de la chambre Myrte et à la déposer ailleurs. Pas autre chose. Et c'est votre propriété dont vous disposez ainsi. Personne n'a sur elle plus de droit que vous. Personne, maintenant que mon maître n'est plus. Bien. Vous m'avez complètement décidé. Voilà qui est fini. Asseyez-vous là, Sarah. Étonnez-vous tant qu'il vous plaira, mais ne sonnez mot. Parlant ainsi, l'oncle Joseph alla d'un pas leste vers la porte ouvrant sur le magasin. Il l'ouvrit et appela l'homme placé au comptoir. « Samuel, mon ami, lui dit-il, je partirai demain pour une tournée dans le pays avec ma nièce. Cette dame ici présente, vous garderez la boutique et recevrez les commandes avec votre exactitude et votre soin ordinaire, jusqu'à ce que je sois de retour. Si quelqu'un venait demander après M. Bushman, vous répondrez qu'il est parti pour une petite tournée dans le pays et qu'il sera de retour sous peu de temps. Voilà tout. Maintenant, Samuel, mon bon ami, fermez le magasin et allez souper. Je vous souhaite bon appétit, bonne chère et bon sommeil. Avant que Samuel eût remercié son maître, la porte était refermée. Avant que Sarah pût articuler une parole, la main de son oncle était posée sur ses lèvres, et le mouchoir du dit oncle essuyait les pleurs qu'elle laissait couler en abondance. « Plus de bavardage, plus de pleurnicherie, » dit le vieillard. « Je ne suis qu'un Allemand, mais j'ai dans ma seule peau tout l'entêtement de 6 Anglais réunis en bloc. Vous couchez ici cette nuit. Demain, nous reparlerons de la chose. » Vous me demandez de vous aider d'un bon avis. Je vous aiderai de tout moi-même, ne sachant pas d'avis qui vaille autant. Ne m'en demandez pas plus jusqu'à ce que j'aie décroché ma pipe de ce mur où vous la voyez, et que je lui demandais de m'aider à réfléchir. Ce soir, je fume et je réfléchis. Demain, il sera temps de parler et d'agir. Quant à vous, montez là-haut dans votre lit. emportez la boîte à musique de l'oncle Max et faites-vous chanter la berceuse de Mozart avant de vous endormir. Oui, mon enfant, oui, Mozart est un grand consolateur. Il console mieux que les larmes. Pourquoi tant pleurer? Y a-t-il de quoi verser tant de pleurs, ni de quoi tant me remercier? Est-ce donc un si grand miracle que je ne veuille pas voir l'enfant de ma sœur aller, toute seule, courir les aventures dans les ténèbres? Je vous l'ai dit, le chagrin de Sarah est mon chagrin, la joie de Sarah est ma joie. Et maintenant, s'il n'y a pas autre parti à prendre, s'il faut réellement s'y décider, je dirai aussi, les dangers que Sarah peut courir demain sont tout de même les dangers de l'oncle Joseph.